je perds mon temps. Rien qu'en écrivant, là, je perds mon temps. Rien qu'en me relisant, je perds mon temps. Je perds mon temps. Je bâcle mon écriture, c'est de mon temps. Je roule en voiture, je perds moins de temps. Oh, bicyclette, c'est mon temps. Je perds mon temps. Rien qu'en le disant, là, je perds mon temps. Rien qu'en chantant, je perds mon temps. Qu'on se le dise, on sera content. Qu'on n'aura pas su quoi faire de son temps. J'aimerais bien que le temps tienne dans un magnétoscope. Et quand j'appuie sur stop, le temps il s'arrête. Tic, tac, tic, tac. J'aimerais bien comme ça, je pourrais faire tout ce que je voudrais. Mais bon, je le sais très bien, ça n'arrivera jamais. Quoique peut-être un jour, je perds mon temps. Et mon temps c'est de l'argent. Et mon argent c'est mon sang. Et mon sang c'est du vin blanc. Ouais, du vin blanc c'est du bon temps. Mais t'as tué ton temps, tant t'as tenté de tirer tes printemps. Où le temps d'antan était plus tempéré que maintenant. T'as tué ton temps, tant t'as tenté de tirer tes printemps. Où le temps d'antan était plus tempéré que maintenant. J'aimerais bien que le temps tienne dans un microscope. J'appuie sur stop, le temps il s'arrête. J'aimerais bien comme ça, je préfère tout ce que je voudrais. Mais bon, je sais très bien, ça n'arrivera jamais. Quoique peut-être un jour, je perds mon temps. Jamais de douche, je gagne du temps. 10-15 minutes par jour, je suis content. Oh, c'est quoi ça? Je sens rien là. Bon, ce rage pue un peu mieux, j'ai du temps. Pour faire ce que je veux de mon temps, de mon temps, de mon temps, de mon temps. J'aime.